Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Depuis déjà plusieurs années, nous observons un déclin des insectes pollinisateurs sauvages en raison notamment de l'agriculture intensive. Victime d'un monde en mutation, l'abeille est menacée par l'usage des pesticides, par la monoculture et par la transformation des paysages qu'elle a l'habitude de butiner partout sur la planète. Alors, pour nous en parler davantage, j'ai à mes côtés Mélanie Jean. Rebonjour, Mélanie. Rebonjour, François. Alors, Mélanie, est-ce que ce regain d'attention envers les abeilles vient d'une prise de conscience écologique récente? Mais en fait, pas vraiment. Il s'agit pas d'un phénomène qui est, on pourrait dire, nouveau ou récent, parce que à toutes les époques, les abeilles ont toujours été une espèce de baromètre écologique et on pourrait même dire que ça incarne l'équilibre entre la nature et la culture sur lequel on finit par projeter nos angoisses et nos idéaux. Et aujourd'hui, nous devons faire du souci pour elle vraiment parce que, comme tu l'as dit en introduction, elle est très menacée par de nombreuses difficultés et ça augure un avenir qui est très sombre pour l'humanité. Mais qu'est-ce qui arriverait si on avait un monde sans abeilles? Ben, je vais vous expliquer tout ce qu'elles font pour nous et je pense que grâce à ça, vous allez peut-être trouver la réponse. Okay. En fait, les abeilles et aussi les autres insectes pollinisateurs représentent par leur action la reproduction de 80% des espèces végétales, c'est pas rien. Ouais. 35% de la production alimentaire mondiale en tonnage et la production de plus de 3/4 des cultures dans le monde. Et seuls 25% des cultures, en fait, ne dépendent pas de l'action de nos fameux insectes pollinisateurs. Uh-huh. La plupart des cultures de fruits, de légumes, les épices, même le cacao et le café, dépendent des insectes pollinisateurs. En fait, excepté pour le blé et le soja, ben, il faut un intervenant extérieur pour 80% des plantes à fleurs. Et l'abeille et la fleur ont donc évolué ensemble. Et depuis, on estime environ depuis 100 millions d'années. Et en fait, ça a arrivé qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Parce que la plante est incapable de s'auto-féconder. La plupart de celles-ci déploient d'ingénieux stratagèmes pour attirer les pollinisateurs. Et dans leur quête de nectar, ben, ceux-ci, à leur insu, ils les fertilisent. Parfois, c'est le vent, l'eau, les oiseaux ou d'autres petits mammifères ou d'autres animaux, des reptiles. Ça peut aussi jouer marginalement ce rôle-là, mais les insectes arrivent largement en tête. Et de son côté, l'insecte a besoin, lui, de nectar et de pollen qui sont riches en sucre et en protéines pour se nourrir et pour nourrir ses larves, évidemment. Et les abeilles repèrent les fleurs à pollen, notamment grâce à leur couleur. Il suffit de 3 visites d'une abeille à une fleur pour qu'elle la mémorise toute sa vie. Ah oui. C'est vraiment impressionnant. Oui. Et ces vaillants insectes, sans ces vaillants insectes, en fait, ben, y a un paquet de plantes qui disparaîtraient complètement de la surface de la Terre. Pour vous donner un exemple vraiment intéressant, dans l'État du Rhode Island aux États-Unis, il y a un supermarché qui a fait vraiment une flagrante démonstration de c'est quoi qui arriverait à notre alimentation sans les abeilles. Et le commerce avait retiré de ses étalages toute la nourriture qui existe grâce aux abeilles. Et le résultat, c'est qu'il y a 237 aliments sur un total de 453 qui avaient complètement disparu. Mmh. Donc, à la lumière de ce que tu nous dis, c'est clair que l'humanité n'arriverait pas finalement à s'alimenter avec... Il y aurait beaucoup de choses qui nous manqueraient vraiment. Effectivement. Alors, pourquoi les abeilles sont dans une telle situation critique? Est-ce qu'on trouve une des explications? Ben, d'abord, elles doivent faire face à de nombreuses menaces. Il y a une étude qui a été publiée, d'ailleurs, au début du mois d'octobre, qui affirme que les polluants atmosphériques des moteurs diesel peuvent perturber le processus olfactif grâce auquel les abeilles localisent les fleurs. C'est pas visuellement, là, c'est vraiment de façon olfactive qu'ils vont trouver les fleurs. Et les chercheurs mettent en garde que ce phénomène-là pourrait être également néfaste pour de nombreuses autres espèces d'insectes, pas seulement les abeilles. Et la plus grande menace demeure, en fait, les pesticides, même à des niveaux qui sont supposément jugés sécuritaires, là, selon les lois et les gouvernements. Ouais. Ça serait vraiment la principale raison pour laquelle les abeilles, en fait, tombent comme des mouches, pour faire un mauvais jeu de mots. Déjà que l'agriculture intensive et la monoculture font disparaître nombre de pâturages qui sont si chers aux abeilles, ben en plus de faire face à ces pesticides-là, les abeilles, ben, ils trouvent de moins en moins de nourriture, de moins en moins de fleurs. Et de moins en moins de pollen aussi. Exactement. Donc, à compter du 1er décembre 2013, ben, il y a 3 pesticides utilisés qui vont être interdits dans l'Union européenne. Bon, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Oui, effectivement. La Commission européenne a confirmé le 24 mai dernier sa décision de restreindre pendant 2 ans seulement, malheureusement. Un essai, quoi? Oui, à compter du 1er novembre de cette année, l'utilisation de 3 pesticides qui sont jugés mortels pour les abeilles, qui sont commercialisés par Bayer et Syngenta, et qui ont exercé, ces compagnies-là, ont exercé de fortes pressions pour que ça n'arrive pas, et ils n'ont pas réussi, heureusement. Mm-hmm. Les restrictions visent les pesticides utilisés dans le traitement des végétaux, dont les céréales, et c'est une plante qui attire beaucoup les abeilles et les pollinisateurs. Okay. Mais malheureusement, un pesticide qui nuit aux abeilles et à la pollinisation, qui est toujours utilisé et approuvé ici au Canada. Mais ça, c'est pas étonnant parce que l'Europe est beaucoup plus vigilante par rapport à ça que l'Amérique. Oui, je crois qu'elle est toujours un petit peu avant-gardiste et devant tout le monde. Que notamment le Canada. Oui. Pour vous donner une idée de quoi je parle, qui est utilisé au Canada, les composés qui sont employés, on appelle ça, le pesticide s'appelle le clothiamidine et le thiamethoxane. Oui. Difficile à prononcer. Oui. Thiamethoxane. Point au Scrabble. Le thiamidine, oui, c'est ça. Depuis quelques années, en fait, la totalité des semences de maïs qui sont vendues au Québec et plus de la moitié des semences de soya, sont enrobées avec ces produits-là. Et au cours des deux dernières années, les pesticides de la classe des néonicotinoïdes, dont font partie ceux que je viens de parler, et ceux qui sont bannis en Europe, ont été associés à des cas de mortalité massive d'abeilles au Québec, au Manitoba et même en Ontario. Okay. Et ça se vérifie concrètement dans les champs où butinent les abeilles et où elles s'abreuvent. Donc, on a des preuves de ça, non? Oui. L'an dernier, tous les échantillons d'eau au Québec, qui ont été faits dans le sud du Québec, contenaient de la clothiamidine et 60% de la thiamethoxane. Okay. Et là, on parle de taux de 100 fois la dose mortelle. OK, puis on dit tous les échantillons qui en ont, oui. Là, c'est ça. Ces produits affectent, pour vous donner une idée de ce que ça a comme effet, ça affecte la capacité des abeilles à rechercher leur nourriture. Tout à l'heure, on parlait des polluants diesel, là, mais ça ressemble un peu à ça. Oui. Ça les empêche aussi de trouver leur ruche. Ils deviennent un peu perturbés, puis ils sont plus capables de se retrouver, de s'orienter. Leur fonction métabolique, leur fonction immunitaire et même leur fonction reproductive sont altérées. Et... À la saison où les agriculteurs sèment le maïs et le soya au printemps dans les champs, c'est là qu'il se passe dans l'ombre une massive mortalité d'abeilles qu'on n'a pas vue dans les dernières années. OK. Et en fait, comment ces poisons ont été autorisés alors qu'ils menacent l'insecte le plus en fait utile à l'agriculture? C'est pas Santé Canada qui fait l'homologation? On se pose vraiment la question, mais en fait, c'est que les fabricants disaient que les abeilles, ils butinent pas le maïs et donc ils seraient pas exposés. Sauf qu'ils n'ont pas prévu, petit détail, le vent. Et là, on a des particules de ces pesticides-là, je vais appeler des poussières, qui se déposent sur d'autres plantes. Par exemple, le pissenlit, est une plante extrêmement importante pour l'abeille au printemps. La poussière va aussi se déposer sur l'eau dans les lacs, où est-ce que les abeilles vont s'abreuver. Ça devient une autre source de contamination. Et le problème majeur depuis quelques années, c'est qu'il est quasiment impossible de se procurer des semences qui contiennent pas ces pesticides. Et là, le problème. Là. C'est ça. Et dans un monde où il y a jusqu'à 100 000 espèces qui disparaissent à chaque année, la disparition des abeilles, là, on pourrait dire que c'est quasiment le summum d'un monde qui va être transformé de façon permanente. Parce que si l'abeille disparaît, l'avenir va être assez sombre pour nous. Là. On a juste à penser à les épiceries, je crois qu'ils vont être assez vides. Et pour citer Einstein en terminant, il nous disait, si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 ans à vivre. Ouais. C'est très encourageant. Ouais, effectivement, belle perspective d'avenir. Hein. Alors, sur cette célèbre citation, Mélanie, je te dis merci beaucoup. De rien. On va faire une courte pause musicale et on vous revient après avec Jean-Daniel Doucet qui va nous parler de la chimie derrière les remèdes de nos grand-mères contre le rhume et la grippe. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1.